jour blanc silence, dors sans but, sans espérance, ainsi qu'un désert immense. J'écoute dans le soir une romance sur une douce cadence me redire un chant d'espoir. Viendra l'hirondelle dans le ciel à tire-d'aile, tout au long de son parcours annonçant le gai retour du soleil et des beaux jours. Tu reviendras avec elle m'apporter ton cœur fidèle, le printemps de ta jeunesse, le parfum ta tendresse viendront me charmer toujours. Quand reviendra l'hirondelle, l'hirondelle de l'amour, le doute vainement frappe à ma porte, quand le vent triste m'apporte parfum de feuilles mortes. J'écoute ton image est la plus forte et ta voix me réconforte en chantant au vent du soir. Car reviendra l'hirondelle dans le ciel à tire-d'aile, tout au long de son parcours annonçant le gai retour du soleil et des beaux jours. Tu reviendras avec elle m'apporter ton cœur fidèle, le printemps de ta jeunesse, le parfum de ta tendresse viendront me charmer toujours. Reviendra l'hirondelle, l'hirondelle.